nos yeux fermés. Profitons de cet instant, nos corps enlacés, portés par le vent. Sens-tu mon amour? Ce sont les murs qui tremblent. Et sens-tu mon ivresse? On est si bien ensemble. La vie qui balance, regarde plus loin, c'est une simple danse, seul avec toi, dans cette foule immense, blottie contre toi, c'est une vraie. Viens, embrasse-moi, oublions ce monde étrange.